du sable unis dans le silence et la chaleur. Nos prières ne demandent rien, elles affirment notre foi. Aïd, est-ce qu'il a parlé dans les fumées? C'est dans le souffle qu'on l'entend. Chaque mot devient une note, chaque vision un accord. Sator, Ridan, Ishka, Val. Qui sommes-nous, poussière ou flamme? Le feu dit la vérité, le sable garde les secrets. Ils frappent la terre de leurs pieds, ils appellent sans mots. Le rythme est leur croyance, leur foi, une pulsation ancienne. Aïe-skil, notre chante. Les enfants du désert chantent en spirale, leurs pas dessinent des cercles autour du cœur. Ils ne demandent pas la victoire, ils chantent pour être entendus. Le stream n'est plus un écran, c'est un sanctuaire de pixels, un lieu sacré où chaque voix peut devenir feu. Avant d'or, nous sommes le cœur des sables.